En cette période de l'année, vous pensez certainement à vos REER et il est très important de préparer votre retraite. Cette année pour vos REER, contactez Monsieur Jacqueline Doucet, conseiller en sécurité financière, planificateur financier auprès du service financier Jacqueline Doucet et représentant en épargne collective rattaché à Mika Capital, dont les bureaux sont situés au 1230 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Les placements, c'est du sérieux. Vous devez toujours faire affaire avec les gens qui connaissent le milieu et qui sont des spécialistes dans le domaine. Monsieur Jacqueline Doucet vous donnera de judicieux conseils pour que vous profitiez de bons placements. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez M. Jacqueline Doucet au 418-276-6170. 276-6170. On va parler de recrutement. On a parlé avec François Laberge mardi. Et là, on s'en va en France. Hier, on a parlé avec un Français, une entrevue qu'on va publier la semaine prochaine, qu'on va mettre en ligne sur... L'entente entre la Ligue canadienne de football et la Fédération française, ça va donner quoi? Mais c'est beaucoup plus régional, même si on s'en va en France. C'est Nick Menacci, l'instructeur des Cougars de Chicoutimi. Parle un peu de son recrutement, non seulement en France, mais dans le Haut-du-Lac, s'il a fait quelque chose. Salut, Nick! Salut, Danny! Nick, je t'annonce que tu as sauvé quelques tempêtes de neige. Non, mais c'est bien ça. C'est probablement, on a du beau temps, si on en profite. Probablement l'une des plus grosses des dernières années qu'on a sauvé une quarantaine. On dit une quarantaine de centimètres, donc c'est quand même pas rien. Là. Ben le problème, c'est que quand je vais revenir, il va falloir que je gratte de toute façon. Ah, OK. Fait que, c'est juste, le problème est juste reporté. OK. Nick, si on parlait un peu. D'abord, hey, en passant, pendant qu'on est dans les potins, Joe Flacco, j'ai vu que tu étais un partisan des Broncos de Denver. Comment tu trouves ça en tant que partisan des Broncos que Joe Flacco se ramasse à Denver? Je ne sais pas encore. Je le vois pas d'un mauvais œil parce que Case Keenum l'année passée a été très moyen. Ouais. Joe Flacco, ça a été un bon carrière il y a quelques années. Par contre, on a toujours tout le monde a toujours reproché à Joe Flacco sa constance. Je pense pas que ça sera quelque chose de différent avec les Broncos, mais je vois ça d'un œil quand même positif, où est-ce qu'on a un joueur d'expérience qui a déjà été dans les grands matchs, qui va pouvoir nous aider à retourner justement en playoff puis jouer des gros matchs. OK. Donc c'est pas mal. Hey, comment ça va le recrutement? Je sais que tu es en France actuellement, on va s'en parler, mais avant de parler des Français, ça a-tu bougé pas mal du côté du Haut-du-Lac? T'as-tu fait quelque chose d'intéressant? Non, pas à l'heure actuelle. Tu vois, cette année, dans le Haut-du-Lac, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de disponibles à Saint-Félicien. C'est ça que François m'a dit. C'était pas une grosse année de recrutement. Donc non, ça n'a pas été très comment je pourrais dire ça? Ça n'a pas été fructueux dans le Haut-du-Lac. Par contre, ça va bien au niveau régional, là, ça va vraiment bien. OK. Parle-moi un peu de ton recrutement au niveau régional, puis après ça, on va aller en France. As-tu fait des bonnes acquisitions qui vont aider? Ah oui, j'ai recruté des joueurs là, qui vont nous aider dès la première année, des très bons joueurs qui sortent des Mustangs de Dominique Racine. OK. Donc, la plupart des joueurs qui sortent de Dominique Racine, on s'est assuré de les avoir avec nous autres, dont des joueurs d'impact. Des joueurs qui pourront probablement être sur le terrain en commençant l'année. Okay. On a des joueurs, un joueur de Sept-Îles. Donc, on a plusieurs joueurs régionaux. Dans les finissants de Charles Gravel, on a recruté probablement le seul finissant de Charles Gravel ou dans les deux finissants. Donc, vraiment, au niveau régional, ça va très bien. Puis, en plus de ça, ben, on a des transferts qui reviennent de Division 1. Okay. Donc, j'ai déjà deux transferts de confirmés avec moi là, pour la prochaine. Est-ce que tu on verra pour la suite. Est-ce que ça devrait être des joueurs qui vont jouer, c'est sûr? Parce que l'année passée, j'ai comme... Tu étais super enthousiaste, l'entre-saison, il y a des joueurs qui ont arrêté de jouer au football, puis ça t'a comme un petit peu, ça a comme changé un peu. Est-ce que ça, est-ce que ça finalement, c'est des joueurs sérieux qui vont être sûrs qui vont jouer au football l'an prochain? Là? Oui, ben dans les joueurs que j'ai recrutés, les joueurs que j'ai, c'est des gars qui viennent du programme des Mustangs de Dominique Racine. Okay. Les gars depuis secondaire 1 qui jouent au football. Donc, c'est des gars qui sont vraiment, qui sont assidus, des gars qui s'entraînent, des gars qui arrivent d'un super bon programme, du meilleur programme de régional. Donc, vraiment, c'est vraiment bien. C'est vraiment le fun de voir ces jeunes-là qui sont motivés. Par contre, il y a toujours les impondérables que je peux pas contrôler. Donc, les joueurs qui décident d'arrêter de jouer, les joueurs qui ont besoin de travailler, les joueurs qui décident d'arrêter le cégep. Donc, ça, c'est une surprise. Donc, l'équipe qu'on a pendant l'hiver, c'est pas nécessairement l'équipe qu'on va avoir à l'automne. Mais j'espère que ces joueurs-là vont continuer puis ils vont continuer avec nous. Les Français, comment tu t'enlignes avec ça? Moi, j'y vais d'une façon très mollo. Okay. Mon but, c'est pas d'avoir 25-30 Français dans mon équipe. Moi, quand je viens en France, c'est pour venir recruter des joueurs à des positions que j'ai des besoins. Donc, je ne vais pas recruter des joueurs abusivement. Je ne vais pas chercher à... Normalement, là, maximum au niveau de 10, c'est pas mal ça qu'on essaie de viser. On veut pas nécessairement aller plus loin que ça. Parce qu'au niveau régional, on a eu un gros recrutement. On a eu un bon recrutement. J'ai une trentaine de vétérans. Okay. Il me reste des joueurs à confirmer, des joueurs qui sont pas encore certains de leur choix, des joueurs qu'on va confirmer peut-être dans les prochaines semaines, je l'espère. Mais sinon, là, j'y vais vraiment d'un côté. Là, à l'heure actuelle, je vais dans des endroits où je n'étais jamais allé. Donc, on va un peu défricher des nouveaux terrains, rencontrer des entraîneurs. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est mon but à l'heure actuelle. J'ai déjà des joueurs français qui sont à Chicoutimi. J'ai recruté des joueurs qui étaient très jeunes. Okay. Donc, j'ai deux joueurs qui sont arrivés à 16 ans l'année passée. Donc, il a fallu signer pour eux. Donc, des joueurs de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mon but, je ne vais pas revenir avec 10 joueurs français de la France. OK. On dit que, parce que je parlais, que les jeunes ne peuvent pas l'écouter parce qu'il n'est pas en ligne encore, là, mais le gars, Patrick Riochet de la Fédération française, me disait hier qu'il y avait 23 000 joueurs français en France qui sont licenciés. Eux autres, c'est comme fédérés, autrement dit. Là, c'est le mot qui entre. Est-ce que, depuis que tu y vas, parce que ça fait pas longtemps que tu y vas beaucoup, là, par exemple, ça fait quoi? C'est ton troisième voyage, là, à peu près? Oui, exactement. Tu vois-tu une progression d'un joueur de football? Tu vois-tu d'un programme? Ah oui, absolument, absolument. Je veux dire, ici en France, ce qui est frappant, c'est de voir les athlètes. Il y a des bons athlètes. Il y a des gars qui arrivent du soccer, il y a des gars qui arrivent du rugby, il y a des gars qui arrivent de l'athlétisme. Il y a des gars qui arrivent de partout. Donc, c'est des joueurs, au niveau athlétique, ces joueurs-là, il y en a qui sont au-dessus de nos joueurs, là, vraiment. Par contre, comme on dit au niveau football, ben des fois, c'est tout dépendant des coins, tu comprends? Il y a des coins où il y a du football élite. Les entraîneurs sont formés. Donc, comme ici, la Fédération de football française cherche à faire progresser ses coachs autant qu'ils cherchent à faire progresser le joueur. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a un essor, je pense qu'il y a une amélioration à tous les niveaux. Par contre, je peux pas parler pour toute la France parce que je vais pas partout. Donc, c'est certain que c'est le même principe chez nous au Québec, tu sais. Il y a des petits coins où il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs, donc c'est plus difficile de réussir à faire quelque chose avec ça. Mais hier, je suis allé voir une pratique, il y avait une cinquantaine de joueurs sur le terrain. Donc, c'est vraiment... C'est en plein essor, là. Il y a de plus en plus. Mais c'est encore drôle parce que je me promenais à Bordeaux, puis je parlais avec les gens un petit peu. On parlait du football américain, puis il y a des équipes qui savaient même pas qu'il y avait des clubs de foot à Bordeaux. Donc, deux équipes de football à Bordeaux, puis il y a des gens qui parlent de rugby, qui parlent de soccer, mais le football américain, pour eux autres, c'est encore un peu... C'est encore un peu tabou, je vais le dire comme ça. Mais oui, le football est de mieux en mieux en France. Et c'était pas mauvais déjà quand je venais il y a 3 ans. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais vraiment, il y a quelque chose de très intéressant ici en France. OK, OK. Nick, en terminant, la dernière truc que j'avais faite, il y en a demain qui m'ont reproché que j'avais été dur un peu avec toi, mais c'est parce que l'élimination. Tu avais parlé à un moment donné que peut-être que tu aurais des changements au niveau de ton personnel d'entraîneur. Est-ce que ça a été fait? Oui, ça a été fait. OK. Donc, c'est qui? Tu peux-tu m'annoncer un peu les changements? Ben, on a ramené des entraîneurs avec nous. Okay. J'ai changé mon coordinateur défensif. Donc, c'est moi qui vais prendre la défensive pour l'année prochaine. Okay. Donc, mon coordinateur défensif est plus avec nous. Il y a d'autres coachs où il y a eu des changements. Puis, pour l'instant, ben, on est encore en pourparlers avec d'autres. Et il y en a un ou deux là, que je peux pas encore parler, c'est encore secret là, à l'heure actuelle. Donc, on pourra s'en reparler bientôt, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu là. On garde ça un petit peu pour nous autres jusqu'à ce que ça soit possible de l'annoncer. OK. En terminant, Nick, les mercenaires de Chicoutimi, je sais que t'es pas impliqué, mais tu parles à le gars. Tu sais, il avait annoncé à grande pompe qu'elle allait revenir, sauf que c'est pas eux autres qui reviennent pas, c'est aller qui reviennent pas, qui prennent une pause. Ouais. Puis quand tu décolles, quand tu t'en vas, c'est très dur à revenir, à ramener ça. Là. C'est quand même décevant, ça. Ouais, pour le football en région, là. Oui, parce qu'il y avait des belles ambitions pour le football. Ouais. Donc, il voulait changer les choses. Il voulait permettre aux joueurs de jouer à un niveau après ça, après le collégial, ben, donner la chance à des joueurs qui vont pas à l'université de continuer à jouer, ce qui est très bien. Je veux dire, ce qui est vraiment bien, même. Par contre, si je me trompe pas, il y aura pas de ligue là, mais il parlait peut-être d'une ligue à l'automne. Donc, je sais pas comment ça va se diriger. Mais nous autres, on souhaite, c'est certain comme coach collégial, que cette équipe-là existe parce que les joueurs qui n'ont pas leur place, comme je te disais, au niveau supérieur, ben c'est super pour eux autres. Puis même les joueurs qui vont jouer à l'université, de revenir dans la région, de pouvoir jouer au football, de pouvoir continuer à pratiquer sa passion, c'est vraiment quelque chose qui est positif pour le football dans la région, ça c'est sûr et certain. OK. Nick, un gros, gros merci. On s'en reparle quand tu vas être de retour. Et bon pelletage au retour. Quand tu vas être de retour. Tu reviens quand ou dans la région? Je reviens le 18, je reviens lundi le 18. Oh, ça va geler un petit peu, fait que... bref. Nick, on s'en reparle bientôt. Merci, Danny. L'instructeur des Cougars de Chicoutimi, Nick.